إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on reprend les cours dans l'explication des sharh du sharh de Cheikh Al-Fawzan des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiya. On est arrivé au hadith numéro 32, al-hadith al-Thani wa-Salathoun. Et donc aujourd'hui c'est le cours 42 qu'on commence, Inch'Allah. Le hadith 32, عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Saïd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Et c'est, radiallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La darara wa la dirar ». La darara wa la dirar. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire on ne fait pas de mal et on ne doit pas faire de mal aux autres. On ne doit pas faire du mal. On ne doit pas faire du mal aux autres. On va expliquer le détail de ça parce qu'il y a différentes explications ou compréhensions de cette parole. Donc, l'imam al-Nawawi, il rapporte ce hadith, il dit qu'il est hassan. Il est rapporté selon l'imam Ibn Majah et Ad-Darqutni et d'autres également. Musnadan, c'est-à-dire rapporté avec l'isnad jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abi Sa'id al-Khudri, et il est rapporté dans Al-Muwatta Mursalan, selon Amr ibn Yahya, an Abihi, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Sa'id al-Khudri, le sahabi, n'est pas mentionné dans Al-Muwatta quand on rapporte ce hadith. Toutefois, il y a d'autres voies, d'autres chaînes qui renforcent, ou bien qui font que, étant donné qu'il est rapporté par plusieurs façons, eh bien ça fait en sorte que le hadith il se renforcit à cause des différentes narrations et des différentes versions du hadith. Donc, le Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, et donc on va lire les différentes explications à ce sujet-là. هذا الحديث من ناحية السند روي من طريقين. الأول طريق مسند أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني طريق مرسل لم يذكر فيه الصحابي وهو أبو سعيد. فالمرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسند ما رواه الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث قوي بمجموع أسانيده كما ذكر المؤلف، وذكر أن له طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا. Donc, le cheikh, il dit que ce hadith, en ce qui concerne la chaîne de transmission de ce hadith, il est rapporté de deux voies. La première voie, elle est rapportée, comme on l'a dit, musnadan, ou musnad, yani, avec une isnad qui remonte jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle est marfou'. Tandis que la deuxième voie par laquelle ce hadith est rapporté, c'est une voie qui est mursal, c'est-à-dire dans laquelle on ne mentionne pas le sahabi dans la chaîne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la personne comme le tabi'i, entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui manque et c'est le sahabi. On appelle ça mursal. Dans ce cas-là, on dit que c'est mursal dans ce cas-là. Puisque, entre le sahabi, entre le tabi'i et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le sahabi qui manque. Donc, dans ce cas-là, on l'appelle le hadith al-mursal. Donc, al-mursal, c'est qu'est-ce qui est rapporté par le tabi'i selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que al-musnad, c'est celui qui est rapporté par le hadith qui est musnad, c'est le hadith qui est rapporté par le sahabi selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith en particulier, quand on prend toutes les différentes chaînes de transmission de ce hadith, elles se renforcent les unes les autres tout ensemble. Comme le mu'allif, l'auteur, l'imam al-Nawawi le mentionne. Et il a mentionné donc, dans ce cas, comme on l'a dit, que les différentes narrations de ce hadith, elles se renforcent les unes les autres. قوله لا ضرر ولا ضرار قيل لا فرق بينهما وأن الضرر بمعنى الضرر وأن الضرار بمعنى الضرر نعم لا فرق بينهما وأن الضرر أو وأن الضرار بمعنى الضرر لكنه كرر من باب التأكيد والضرر هو ما يؤذي الإنسان مما فيه أذى أو نقص والمطلوب أن الإنسان ينفع ولا يضر ينفع نفسه وينفع الناس ولا يضر نفسه ولا يضر أحد لا يضر نفسه ولا يضر أحدا فضد الضرر النفع. Donc le cheikh explique ici, il dit que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « la darara ou la dirar ». Donc certaines personnes ont rapporté au sujet de ce hadith que « la darara ou la dirar » c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux termes. C'est comme si ça voulait dire « ne pas faire de tort à personne » ou « ne pas faire de mal ou de tort à personne ». Donc ça c'est-à-dire que les deux termes veulent dire la même chose. Darar, c'est le mal, et ad-dirar, c'est le mal aussi. Donc, dans le sens que les deux se répètent, c'est comme si pour mettre de l'importance encore plus sur le premier terme. Donc, ça, c'est une interprétation et c'est une explication. Donc, comme le cheikh le dit ici, il dit donc la signification de ad-dirar, c'est la même que ad-darar. Les deux auraient la même signification. Sauf qu'on répète le mot pour donner plus de force et d'importance au premier. Et « ad-darar », qu'est-ce que ça signifie en langue arabe? C'est tout ce qui est nuisible à quelqu'un. Tout ce qui peut être offensif ou nuisible, hein, ou tout ce qui peut amener un manque ou un mal à quelqu'un. Donc, l'objectif ou qu'est-ce qui est recherché en fait, c'est de faire du bien, de faire en sorte que l'homme soit amène du bien aux autres ou fasse quelque chose d'utile ou de la bienfaisance à ceux qui sont autour de lui et qu'il ne fasse pas de tort ou de mal ou d'offense aux gens qui sont avec lui et à lui-même également. Donc il se fait du bien à lui-même et il fait du bien aux autres. Et il ne fait pas de mal à lui-même, et il ne fait pas de mal aux autres. Donc c'est le contraire, le contraire de faire un mal aux autres, c'est de faire du bien, de ramener un bien. Le cheikh il dit ensuite, وَقِيلَ إِنَّ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالضِّرَارِ فَرْقًا فَالضَّرَرِ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ لا ضرر أي لا يكون منك ضرر على الناس أما الضرار فهو يدل على المشاركة بين جانبين فأنت لا تضر من ضرك بل قابله بالإحسان والعفو والصفح وهذا من أخلاق المؤمنين Donc le cheikh il dit, et il y en a d'autres ulama qui ont expliqué qu'il y a une différence entre les deux termes. Il y a une différence entre le terme darar et le terme dirar. Donc certains ulama ont expliqué que darar c'est quand ça se fait d'un seul sens. C'est-à-dire quand quelqu'un fait du mal à une personne sans que ce soit venu de l'autre personne en retour. C'est-à-dire que c'est du mal que quelqu'un fait à une personne et aller dans un sens unique. Donc ça c'est ad-darar. Donc le cheikh il dit la darar ça signifie quoi? Ça signifie ne fait pas de mal aux gens. En ce qui concerne ad-dirar, ça indique une sorte de participation des deux côtés dans le mal. Donc dans ce sens-là, ça voudrait dire ne fais pas de tort à celui qui t'a fait du tort. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un te fait du tort, au lieu de lui remettre le mal qu'il t'a fait, eh bien, réponds-lui par du bien. Et pardonne-lui. Et allez, passe par-dessus ce qu'il t'a fait, excuse-le. Donc, ça fait partie du comportement des mu'minins. Donc, ça c'est l'explication que le Cheikh Al-Fawzan il donne ici. Pour distinguer entre les deux mots. Donc, il explique que certains ulama ont dit que ad-darar, c'est quand c'est un mal qui est fait d'une seule personne, dans une seule direction, quelqu'un qui fait un mal, et il ne le fait pas parce qu'on lui a fait, il le fait directement à la personne. Donc, ça, c'est quelque chose de mal, donc ça, c'est interdit, bien entendu. Et lorsque quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un parce que cette personne-là t'a fait un mal, et tu lui remets le mal qu'il t'a fait, donc ça c'est également voulu par l'autre terme, c'est-à-dire ad-dirar. Donc de ne pas faire ça. Déjà il explique ensuite, il dit وَقَالَ تَعَلَى فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَيَكُونُ مِثْلَ قَوْلِهِ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْقِصَاصُ جَائِزٌ وَهُوَ عَدْلٌ وَلَكِنْ الْعَفْوُ أَحْسَنْ لأنه فضل قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا قصاص هذا قصاص فمن عفا وأصلح فأجره على الله فالقصاص جائز والعفو أحسن فإذا حصل من أحد ضرر عليك فلا تقابله بمثله هذا أحسن وأجلب للود فإن هذا الذي عفوت عنه يصبح صديقا قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه خصلة لا تحصل لكل أحد وإنما تحصل للصابرين فالذي لا يصبر لا يعفو أما الذي يصبر فهو يعفو لأن العفو عن المسيء شاق على النفوس يحتاج إلى صبر والإنسان يتطلب في طبعه الانتقام وترك الانتقام يحتاج إلى صبر قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 40 dans sourate Shura, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Celui qui a pardonné et qui a réformé, alors sa récompense lui viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala ou sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comparable à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Donc le hadith hein, il faut comprendre, dans, il faut le comprendre lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dirar, hein, c'est-à-dire ne fais pas de tort à celui qui t'a fait du tort. Ne reprends pas ou ne remets pas le mal qu'on t'a fait. Dans ce sens-là, le verset il vient confirmer cette signification-là. Dans surat al-Shura, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. C'est-à-dire celui qui pardonne, hein, qui excuse la personne qui lui a fait du mal et qui réforme, alors sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith « Ne trahis pas celui qui t'a trahi ». Et le cheikh il dit ensuite, comme la règle, la règle générale c'est quoi? C'est qu'en principe, al-qisas, le fait de, d'appliquer le talion, de remettre à la personne qui t'a fait du mal un mal équivalent, ça c'est permis dans, à la base, hein, c'est une règle dans la charia, c'est une règle dans l'islam, c'est ce qu'on appelle al-qisas, c'est-à-dire le talion, hein, le fait d'établir la justice, ça c'est permis. Mais celui qui excuse la personne qui lui a fait du mal et qui lui pardonne, ça c'est quelque chose de mieux encore, hein, parce que c'est quelque chose de méritoire, c'est quelque chose de plus, quelque chose de meilleur. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la suite du verset dans surah Shura, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, et la récompense ou la rétribution pour un péché ou quelque chose, une mauvaise action, c'est une mauvaise action semblable à elle, hein, semblable à celle-ci. Donc ça veut dire quelqu'un qui fait un mal, il reçoit en rétribution un mal qui est équivalent, qui est pareil. Et ça c'est ce qu'on appelle qisas, c'est la justice, c'est le talion. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, c'est-à-dire celui qui a, comme Allah dit dans le verset, celui qui pardonne et qui réforme, alors sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est permis d'établir la justice et de remettre le mal que quelqu'un t'a fait, mais de pardonner et d'excuser la personne c'est meilleur encore. Et donc s'il arrive un mal, hein, un mal quelconque de la part d'une personne, ne lui remets pas ce mal là par quelque chose d'équivalent. Et ça c'est mieux, c'est meilleur, si tu veux amener l'amour entre les gens, l'amour entre les personnes, hein. Donc si tu fais preuve de pardon et aller que tu, disons, fais preuve d'indulgence et tu excuses la personne qui t'a fait du mal, eh bien cette personne devient un ami. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 34 et 35 dans sourate Fussilat, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. C'est-à-dire la bonne action et la mauvaise ne sont pas équivalentes. Ou bien le bien et le mal ne sont pas équivalents. Repousse par ce qui est meilleur. Et donc si tu agis ainsi, eh bien la personne entre qui toi et entre la personne, yani s'il y a une personne avec laquelle tu as une animosité, s'il y a entre toi et elle une animosité quelconque, eh bien le fait que tu as repoussé le mal par un bien, eh bien ça va faire en sorte que cette personne-là va devenir un ami, hein, cette personne-là va devenir ton allié et va devenir un ami pour toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Qui peut être capable d'agir de cette manière et de remettre pour le mal qu'on lui a fait un bien à quelqu'un, eh bien, bien entendu, c'est uniquement la personne qui a été endurante et qui est patiente, qui fait preuve de patience, qui se retient lorsqu'elle a envie de se venger. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et bien entendu, à propos de cette règle de al-qisas, et quand est-ce qu'on doit pardonner quelqu'un et quand est-ce qu'on ne doit pas pardonner quelqu'un, c'est comme le Cheikh Ibn Uthaymeen l'avait expliqué, hein, dans plusieurs occasions, quand il parle de ce verset, il explique toujours que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, dans surah Shura, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ, ça veut dire celui qui a pardonné et qui a réformé, Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu fasses ce qui va être le plus proche de la réforme. Dans le sens que si tu veux, si tu vois que le fait d'établir la justice et de remettre à la personne le mal qu'elle t'a fait, ça va être plus proche de la réforme, alors tu fais ça, tu établis la justice. Mais si tu sens que le fait d'excuser, de pardonner la personne, ça va amener plus de réformes et plus de bien, alors dans ce cas-là, pardonne la personne et excuse-la. Donc ce n'est pas une règle générale, ce n'est pas dans le sens que quelqu'un va dire « bon, il faut toujours pardonner ». Il faut voir laquelle des deux, réactions, de ces attitudes, la réaction, laquelle des deux va être la plus proche de la réforme et va ramener le plus grand bien. Donc si le fait de pardonner, ça amène une plus grande réforme et plus de bien, alors on pardonne la personne. Tandis que si le fait de pardonner la personne, ça n'amène pas un plus grand bien, alors dans ce cas-là, il faut voir si le mieux, c'est pas de punir cette personne-là, justement, ou de lui remettre le mal qu'elle a fait, de faire en sorte qu'elle soit punie. Bien entendu, la question de la justice, ou d'établir le mal pour le mal, c'est pas n'importe comment et c'est pas n'importe qui a le droit de le faire. Bien entendu, ça dépend de quelle sorte de mal il s'agit, hein. Mais si c'est des questions qui ont rapport avec des peines ou des punitions corporelles ou des choses de ce genre, alors là, dans ce cas-là, bien entendu, il faut ramener la personne devant le juge et que la personne soit jugée pour le mal qu'elle a fait. C'est pas une personne qui se venge d'elle-même, hein. Parce que ça risque d'amener plus de mal que de bien dans ce cas-là. Mais on parle dans les cas où ce sont pas des gens de mal de ce genre, mais plutôt peut-être dans des questions de comportement, des attitudes ou du mal que quelqu'un peut nous faire. Si de toute façon, s'il y a une justice qui doit être appliquée, il faut que ce soit fait dans les règles, selon les règles de la charia, dans des cas comme ça. Hein. Et ensuite, le cheikh il dit donc. وهذه خصلة لا تحصل لكل أحد. C'est pas tout le monde qui arrive à excuser la personne qui lui a fait du mal. C'est uniquement les gens qui sont endurants et qui ont la patience, qui se retiennent lorsqu'ils ont envie de se venger ou de remettre le mal à la personne. Parce que il y a des gens qui sont pas capables de se retenir, d'être patients. Ils peuvent pas pardonner. Hein. Tandis que celui qui a sobre, celui qui est capable de se retenir et qui est capable d'être patient et d'être endurant, alors lui, il est capable de pardonner aux autres. Hein, parce que de pardonner ou d'excuser la personne qui a fait du mal, c'est très dur pour l'âme humaine. Hein, c'est quelque chose qui est dur pour nous. Et ça demande beaucoup de résistance, de patience et d'endurance. Donc, pourquoi? Parce que par la nature de l'homme lui-même, il essaie toujours ou il a toujours tendance à vouloir se venger. Et donc le fait d'abandonner la vengeance, ça demande beaucoup de retenue, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا » قال تعالى « وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ » فإذا أردت فضل العفو فاصبر عليه ولا تطع نفسك التي تطلب منك الانتقام ممن ضرك فيكون هذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر من طرف واحد ولا تضر الناس كما أنك لا ترضى الضرر لنفسك فلا ترضه لإخوانك كما أنك لا ترضى أن يسيء إليك فلا تسيء أنت إليهم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه donc le cheikh il dit cette caractéristique donc comme on a dit c'est pas tout le monde qui peut l'avoir et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit et nul ne peut يعني arriver à atteindre ce degré-là, excepté ceux qui ont de l'endurance et ceux qui ont reçu une grande portion de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux avoir le mérite de pardonner, alors fais preuve de patience, fais preuve d'endurance, et n'obéis pas à ton âme lorsqu'elle te pousse à chercher la revanche et à chercher à te venger de la personne qui t'a fait du mal. Et donc, si tu réussis à agir ainsi, eh bien, tu vas rentrer dans la signification. Donc, c'est ça ce que ça signifie, le hadith, en fait. Ça veut dire, donc, ne fais pas de mal, la darar, ça c'est, ne fais pas de mal, ça c'est quand c'est le mal qui est fait d'un seul côté. Voilà, tadurunnas, et ne fais pas de tort aux autres. Comme toi, tu veux pas qu'on te fasse du mal à toi-même, tu veux pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas de mal aux autres. Comme tu n'aimes pas que tes frères te fassent du mal, alors ne fais pas de mal à tes frères. Tu veux pas qu'on fasse de mal à tes frères, alors ne fais pas de mal aux frères des autres. Tu veux pas qu'on te fasse du tort, alors ne fais pas de tort aux autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour les autres ce qu'il a aimé pour lui-même. C'est-à-dire, allez, que c'est un signe de la foi d'une personne. Plus il a de la foi, plus il va essayer de faire aux autres ce qu'il aime pour lui-même. Et il ne va pas faire aux autres ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Donc ça c'est, alhamdoulilah, c'est bien compris, ça c'est des significations comme on a dit. Le cheikh dit « Wa amma al-dirar fa huwa an yakuna bayna tarafayn fa idha asa'a ilayka ahadun fal ahsanu an tuqabilahu bi tarki al-intiqam wa tarki al-darar wa an tasta'mila al-afwa wa hadha yani yanshuru al-mahabba bayna al-nas wa yusbihu al-ma'fu anhu asiran laka wa yakhjala min fi'lihi كما قال المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. Donc le cheikh explique, il dit, en ce qui concerne le tort, de faire du tort aux autres, ou bien ad-dirar, ça c'est quand le mal est fait de deux côtés, dans deux directions. C'est-à-dire, quelqu'un te fait du mal, toi tu lui remets le mal. Le premier, ad-dirar, c'est quand le mal est fait d'un seul sens. Là, ça c'est interdit. Et ad-dirar aussi. Sauf que, quand c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, quand c'est dans le but de remettre à quelqu'un un mal qu'il nous a fait, alors dans ce cas-là, c'est permis. Sauf que, te pardonner, c'est meilleur. Si quelqu'un te fait du tort, le mieux c'est de ne pas lui remettre le mal qu'il t'a fait et de ne pas se venger, d'abandonner le mal qu'on t'a fait et d'utiliser le pardon et l'excuse. Et ça, ça va faire en sorte que ça va propager de l'amour entre les gens. Et la personne que tu as excusée devient redevable, elle est gênée maintenant de ce qu'elle a fait. Et il cite un poème de Al-Mutanabbi. Et bien entendu, c'est souvent mentionné des poèmes de Al-Mutanabbi, parce que dans ces poèmes, il y a souvent des leçons et des proverbes, c'est comme des proverbes, qui expliquent un peu la signification de ce sens-là. Donc il y a une autre explication que le cheikh n'a pas mentionné, parmi les paroles des ulama. Il y en a des ulama qui ont expliqué, comme le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il mentionne dans son charh de 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, justement, il mentionne une autre parole des ulama sur la signification de la darara wa la dirar. Par exemple, il dit, wa hadha al-hadith mujtamalun ala qa'idatin min qawa'id al-shari'a, wa hiya raf'u al-darar wa al-dirar. وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد فالضرار يكون مع القصد. Donc le cheikh explique, il dit que ce hadith, il comprend une grande règle parmi les règles de la charia. Et c'est-à-dire d'enlever tout ce qui peut être nuisible ou qui peut faire du mal. Et c'est une parole qui nous informe de quelque chose dans le sens de l'interdiction de faire du mal ou de faire un tort quelconque aux gens. Et il dit que c'est certain qu'on peut faire du tort volontairement ou involontairement. Donc il dit que ad-dirar, c'est le mal qui est fait intentionnellement, hein, que tu l'as prémédité, tu l'as voulu. Tandis que ad-darar, c'est un mal que tu fais, mais sans que tu aies eu l'intention de le faire. Donc c'est comme si tu l'avais pas prémédité. Tu as fait du mal à quelqu'un, mais sans que ce soit voulu, sans que ce soit recherché. Donc, c'est comme si en réalité, le hadith, il disait, ne fais pas de mal aux gens volontairement ou involontairement. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une des explications de ce hadith. Sinon, ça voudrait dire, ne fais pas de mal aux autres et ne remets pas aux autres le mal qu'ils t'ont fait. Donc ça, c'est différentes explications ou interprétations de ce hadith. وهذه قاعدة عظيمة. Donc ça fait partie des grandes règles parmi les règles du comportement. Cheikh dit, هذه قاعدة عظيمة من قواعد الأخلاق في التعامل مع الناس. فينبغي للإنسان أن يتجنب الضرر سواء كان يصدره منه هو ابتداء أو يصدر انتقاما ممن أضر به. فالمسلم يسير على هذا ويكون محبوبا عند الله وعند خلقه. Donc ça c'est comme on a dit une grande règle parmi les règles du comportement et dans la façon d'agir avec les gens. Et il est important que chaque être humain évite de faire du mal, hein, peu importe que ce soit lui le premier qui le cause ou que ce soit un mal qu'il fait aux autres en cherchant à se venger pour faire du tort à celui qui a fait du tort, hein, pour faire du tort à celui qui lui a fait du tort. Donc le musulman, il essaie de suivre cette règle, hein, et en agissant ainsi, il sera aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et aimé également de la création, hein, des autres êtres humains. Donc ça c'est une autre explication du hadith. Ensuite, on va passer au hadith numéro 33, hein, qui est également un hadith très important dans l'explication des règles qui ont rapport avec le témoignage et les règles de la charia en général. C'est un hadith très important. Maintenant, on va lire justement ce hadith, qu'est-ce que ça dit. Le cheikh dit, An ibn Abbas radiallahu anhu, رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Donc le cheikh il dit, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on devait donner aux hommes, selon ce qu'ils prétendent, des gens prétendraient, hein, les biens des gens ainsi que leur sang, mais la preuve est à celui qui prétend, hein, c'est-à-dire la preuve doit être amenée par celui qui amène une prétention ou une réclamation, et le fait de prêter serment ou de jurer, ça c'est pour celui qui rejette ou qui nie au sujet de quoi il a été accusé. Ça c'est un hadith qui est hassan, il est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres également, de même que des parties de ce hadith se retrouvent dans Al-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim, Donc, on va maintenant lire l'explication de ce hadith. Le cheikh il dit, cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا حديث عظيم, هذا الحديث حديث عظيم, وهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء, من قواعد القضاء, حيث قال, قال صلى الله عليه وسلم, لو يعطى الناس بدعواهم, أي بما يدعون, والمدعي هو الذي يطلب شيئا بيد غيره, فالقاضي إذا أتاه الخصمان فإنه يسألهما أيكما المدعي, ثم يبدأ به لأن الخصمين مدعي ومدعى عليه, فيبدأ بالمدعي, فيبدأ بالمدعي لأنه يدعي خلاف الأصل, أما المدعى عليه فهو باق على الأصل والبراءة, فيقول أيكما المدعي, أو يسكت حتى يبدأ المدعي ولا يقول يا فلان ماذا عندك, هذا يخشى أن يكون تحيزا, ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه الجواب عن دعوى خصمه. هذه أصول القضاء. للشيخ الذي كسر حديث لا c'est un hadith parmi les grands fondements. Ça c'est un grand hadith et c'est parmi les règles, hein, les grandes règles, parmi les règles qui ont rapport avec les questions judiciaires, les questions du jugement et le fait de comment on dit, tout ce qui a rapport avec la magistrature, puis les choses qui ont rapport avec les juges et la façon de juger, la façon de prendre les témoignages des témoins, la façon d'écouter celui qui fait une réclamation ou qui demande et qui est l'accusé ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est expliqué dans ce hadith. Donc le chef explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit لو يعطى الناس بدعواهم, si on devait donner aux gens selon ce qu'ils prétendent, selon ce qu'ils réclament, بما يدعون, ce qu'ils prétendent, parce qu'il dit la personne qui demande ou qui prétend, c'est celui qui dit, qui demande quelque chose, qui dit que qu'est-ce que quelqu'un lui a pris ou lui a enlevé ou des choses de ce genre, il demande son droit. Donc, al-mudda'i, c'est celui qui fait la requête, qui réclame quelque chose qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça que ça signifie. Et le juge, lorsqu'il va voir devant lui les deux personnes qui ont un conflit ou qui ont un désaccord ou un problème entre eux, il doit poser la question. Il doit poser la question à ces deux individus ou à ces deux parties. Lequel d'entre vous deux est celui qui prétend? Lequel d'entre vous deux est celui qui prétend avoir été lésé ou qui prétend avoir, disons, celui qui est l'accusateur, celui qui accuse l'autre, c'est lequel des deux? Pourquoi? Parce que il commence par celui-là. Pourquoi il commence par celui-là? Parce que dans les deux parties qui s'affrontent, il y a toujours deux cas, il y a toujours deux opposés. Il y a celui qui prétend et il y a celui contre qui on prétend, c'est-à-dire il y a celui qui accuse et il y a celui qui est accusé. Il y a celui qui prétend et il y a celui qui, contre qui on a prétendu, ou qu'on a celui qui réclame et celui contre qui on a réclamé quelque chose, ou à qui on a réclamé quelque chose. Donc on peut dire, disons pour simplifier, celui qui accuse et celui qui est accusé. Donc le juge, il commence par celui qui accuse, celui qui réclame quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce qui est contraire à l'origine. Le fait de réclamer quelque chose de quelqu'un, c'est contraire à l'origine. c'est-à-dire à l'origine, chaque personne, il a qu'est-ce qui lui appartient, et personne ne se plaint d'un autre. Hein? Mais lorsqu'il y a une injustice ou quelque chose qui se passe, eh bien là, quelqu'un va réclamer ou accuser quelqu'un d'autre, donc ça c'est contraire à l'origine, contraire à la situation d'origine. Tandis que celui qui est accusé, alors lui, à la base, hein, il est resté sur sa position d'origine, c'est-à-dire l'origine c'est l'innocence. Hein. L'origine c'est l'innocence. C'est-à-dire qu'à la base, cet individu-là qui est accusé, lui il ne réclame rien. C'est pas lui qui réclame, c'est la personne qui l'a. C'est la personne qui accuse, qui dit on m'a pris quelque chose, on m'a enlevé quelque chose, on m'a volé quelque chose. Hein. Celui-là, c'est lui qui réclame, qui demande. Donc lui, il est dans une situation qui est contraire à l'origine. Ensuite, il demande, donc qui d'entre vous est celui qui accuse ou qui demande quelque chose ou qui réclame quelque chose. Ou bien il se tait jusqu'à ce que la personne qui demande son droit, elle parle d'elle-même. Mais il ne va pas commencer à dire « Oh toi un tel, qu'est-ce que tu as ?» ou « C'est quoi ton problème ?» Hein, parce que si il agit ainsi, ça, on peut craindre que ça veut dire qu'il a pris un parti, hein, il a un parti pris. Donc pour éviter ça, yani, il demande toujours à celui qui prétend ou qui accuse de commencer demander ce qu'il réclame ou de dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème. D'accord. ثم إذا تكلم المدعي يتوجه إلى المدعى عليه. Une fois que l'accusateur, celui qui réclame quelque chose, a parlé, là maintenant il va se diriger vers l'accusé, celui à qui on réclame quelque chose. Et on va lui demander de répondre à l'accusation ou à la chose qui lui a été réclamée de la part de son parti, de son opposant ou de son accusateur. Donc ça c'est les bases du qada. C'est-à-dire on demande à celui qui accuse de dire de quoi il accuse son opposant, puis par la suite, une fois que l'accusation a été lancée devant le juge, là le juge par la suite il va demander à celui qui a été accusé de répondre à cette accusation-là. Et de répondre à ce qui a été réclamé de sa part. D'accord? Donc ça c'est les fondements de qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'être un juge et de placer des jugements. فإذا اعترف المدعى عليه انتهت القضية وحكم عليه. وإذا أنكر طلب منه من المدعي البينة. والبينة ما يبين الحق ويوضحه وهي شهادة الشهود بصحة ما يدعيه فإذا جاء بالبينة العادلة حكم على المدعى عليه بموجب الشهادة وإذا لم يأتي ببينة طلب من المدعى عليه أن يحلف بنفي ما ادعاه عليه خصمه فإن نكل وأبى أن يحلف قضي عليه وإن حلف برئ وهذا هو نظام القضاء في الإسلام نظام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نظام متقن ونزيه ومريح donc le cheikh il explique ensuite il dit lorsque la personne si la personne, donc là on a demandé, le juge il demande qui est l'accusateur, après l'accusateur il place son accusation contre l'accusé, et là ensuite on demande à l'accusé qu'est-ce qu'il répond. Maintenant, si il reconnaît la chose dont il est accusé, il reconnaît qu'il a tort, alors c'est terminé, et on va juger contre lui. On va dire, c'est toi qui es le coupable maintenant. Mais s'il nie, hein, alors là, on va lui demander une preuve. Hein? On va demander à celui qui fait l'accusation une preuve. Parce que là, toi, tu accuses quelqu'un. Tu lui dis, lui, il a fait quelque chose. Il a pris mon argent. Maintenant, la personne, on lui demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que lui, il a pris ton argent? Hein? Est-ce que toi, tu... Non. La personne a dit, l'accusateur, il dit, lui, il a pris mon argent. L'accusé a pris mon argent. Maintenant, le juge, il demande à l'accusé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as pris son argent? Maintenant, l'accusé, il va répondre. Si il dit oui, c'est vrai, j'ai pris son argent, ça y est, maintenant, il a reconnu son tort. Tandis que s'il dit non, j'ai pas pris son argent, il nie, alors là, dans ce cas-là, on va demander à l'accusateur, à celui qui porte l'accusation, ou à celui qui réclame son droit ou son bien, d'amener un témoin, d'amener une preuve, al-bayyina. Et al-bayyina, c'est quoi? C'est le témoin. C'est qu'est-ce qui clarifie la preuve? Ça peut être un indice, ça peut être un témoin, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent prouver que ce qu'il dit est vrai. Ça peut être tout ce qui peut être ramené pour montrer que ce qu'il dit contre celui qui l'accuse est vrai. Il faut qu'il y ait une preuve. Soit des témoins, ou soit quelque chose d'autre qui va montrer que ce qu'il prétend est vrai, est réel. Donc s'il ramène une preuve claire, qui est juste, alors dans ce cas-là, on va juger contre la personne qui est accusée, à cause de ce témoin, à cause du témoignage qui a été ramené et qui est une preuve contre lui. Bon, s'il ne ramène pas de preuve, alors on va demander à celui qui est accusé de jurer, faire un serment, pour nier la chose au sujet de laquelle il est accusé de la part de son accusateur. Hein? Donc si par exemple, la personne, elle a ramené un témoin, là on va juger contre lui, on va dire, ah, t'es coupable parce que lui il a amené une preuve et un témoin qui montre que tu as vraiment pris son argent. Lui il était témoin, il le sait, donc tu es coupable. Mais s'il ne ramène pas de témoin, alors là on va demander à l'accusé, est-ce que tu es prêt à jurer par Allah que tu n'as pas pris son argent? S'il dit oui, je suis prêt à jurer par Allah, je jure que je n'ai pas pris son argent, alors là dans ce cas-là, on va juger. Hein, le shaykh dit premièrement, s'il refuse de jurer par Allah, on va savoir qu'il a menti. Et on va juger contre lui. Parce que à la base, ça c'est basé sur le fait que la personne, elle craint Allah, et elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on lui demande de jurer par Allah qu'il a pas fait quelque chose, et qu'il craint Allah, hein, il va pas mentir, il va pas oser de dire non, je l'ai pas pris. Donc, s'il refuse de jurer par Allah qu'il a pas pris l'argent de cet individu, par exemple, eh bien, là, on va dire que, dans ce cas-là, puisqu'il refuse de jurer, c'est parce qu'il est coupable. Hein? Mais s'il accepte de jurer, il dit oui, Jacques, je jure. Hein? Parce que l'autre, il n'a pas ramené de témoin. Donc, il jure qu'il n'a pas pris l'argent. Alors, dans ce cas-là, il est innocent. Hein? Il sera considéré comme étant innocent. Et ça, c'est le système de jugement. Hein? C'est le système de justice dans l'islam et d'établissement du jugement. Et c'est un système, alaykoum salam wa rahmatullah, c'est un système qui est, mashallah, perfectionné, qui est propre et qui est reposant également, pas compliqué. C'est pas fatigant comme dans certains systèmes ailleurs, c'est des systèmes qui finissent plus, il y a toujours des problèmes. Donc c'est ça. Si, par exemple, là, pour résumer tout ce qu'on a dit, la personne, elle vient devant le juge. Il y a deux personnes qui arrivent devant le juge. Il y a la personne qui est l'accusateur, et il y a l'accusé. Le juge, il demande, qui est l'accusateur? Alors, l'accusateur, lui, il va commencer à parler. Il va dire, lui, un tel, il a pris mon argent, il a fait ça, il a fait ça. Alors là, le juge, il demande à l'autre maintenant, est-ce que c'est vrai? Explique-toi. Là, il va s'expliquer. S'il dit oui, c'est vrai, j'ai pris son argent, je suis coupable, c'est fini. C'est lui qui est coupable. Et s'il dit non, j'ai jamais pris son argent, c'est pas vrai, là, le juge va demander à l'accusateur, ramène tes preuves. Hein? Là, il va dire oui, j'ai des preuves, j'ai un témoin, ou j'ai deux témoins, voici mes témoins. Il ramène ses témoins. Les témoins, ils parlent et tout. Là, on demande à l'autre maintenant. S'il n'a pas de témoin, c'est fini. L'autre, on va lui demander de jurer. Est-ce que tu jures que c'est vrai que tu n'as pas pris son argent? Il va dire oui, je par Allah que je n'ai pas pris. S'il refuse de jurer, il va être coupable. S'il accepte de jurer, alors là, on va dire que dans ce cas-là, il est innocent. D'accord? Donc ça, c'est le système dans l'islam. Donc, le cheikh dit, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم فالمدعي ربما يدعي شيئا كبيرا يدعي أن خصمه قتل فيطالب بالقصاص أو يطالب بمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا فلا يعطى بدعواه لأنه لو فتح هذا الباب كل يعطى ما ادعاه لحصل الفساد والاعتداء على الناس وكل من له هوى على أحد ادعى عليه فلا يقبل منه لمجرد الدعوة ولو كان من أصدق الناس لا يقبل منه إلا إذا أتى بالبينة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي أي البينة هي أن يأتي بالشهود لأنه يدعي خلاف الأصل الأصل البراءة والأصل البراءة فيطالب بإقامة البينة فإذا أتى بالبينة حكم له بموجبها على المدعي عليه على المدعى عليه لأن هذا يثبت الحق فإذا لم يأتي ببينة أو قال ليس عندي بينة أو جاء ببينة لا تقبل شهادتها لأنها مجروحة فوجودها كعدمها فيتوجه القاضي إلى المدعى عليه فإن اعترف قضي عليه باعترافه وإن أنكر وقال ليس هذا الشيء عندي طلب منه اليمين بأن يحلف بالله على نفي ما ادعاه عليه خصمه وأنه بريء من ذلك فإذا حلف بالله ترك لأن جانب المدعى عليه أقوى ومعه الأصل والبراءة فاكتفى فاكتفي منه باليمين فإذا حلف فإنه يبرأ حينئذ وتنتهي القضية donc le chef dit dans ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم il dit si on devait donner aux gens selon leurs demandes selon leurs réclamations selon leurs prétentions eh bien des gens viendraient demander l'argent des gens demander le sang des gens des choses de ce genre parce que qu'est-ce que les gens prétendent parfois c'est quelque chose de grand hein des fois quelqu'un il vient il dit un tel il a tué quelqu'un hein donc il demande que l'application du talion soit établie ou bien il demande de l'argent peut-être c'est une grosse somme il m'a volé une grosse somme d'argent et des choses de ce genre il dit si on donnait aux gens selon leurs prétentions eh bien yani, tout le monde viendrait eh bien ça c'est à moi, ou lui il a pris mon argent, ou lui il a tué un tel, ou lui il a fait ça. On ne peut pas se baser juste pour dire je crois en qu'est-ce que quelqu'un dit parce qu'il le dit avec sa bouche, puis on accepte ce qu'il prétend sans avoir de preuves. Hein, si on ouvrait cette porte-là, tout le monde commencerait à prétendre des choses ou demander des choses, et il y aurait beaucoup de corruption ou de transgression qui serait causée aux gens à cause de ça. Parce que chaque personne il a un désir, une passion en lui-même. Et on ne peut pas accepter donc de donner à quelqu'un ou de lui remettre ce qu'il réclame uniquement parce qu'il le prétend ou parce qu'il le demande, hein, comme on l'a dit. Il faut qu'il y ait une preuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il a dit walakin al-bayyinatu ala al-mudda'i. Al-bayyina, c'est quoi al-bayyina? C'est la preuve. Et la preuve, c'est quoi? C'est d'amener des témoins. Ça amène des témoins. Parce que tu demandes quelque chose qui est contraire à l'origine. L'origine, c'est d'être innocent, d'être correct. hein. Donc, il faut que tu amènes une preuve qui montre que ce que tu dis c'est vrai. Si tu amènes la preuve, on va juger en ta faveur par rapport à la preuve que tu as amenée contre l'accusé, hein, qui va prouver que tu dis la vérité. Mais si tu n'amènes pas de preuve, ou bien tu dis je n'ai pas de témoin, j'ai pas de preuve, ou bien tu ramènes des témoins, tu ramènes des témoins avec toi, mais tes témoins ils sont pas corrects, ils sont pas honnêtes. C'est des témoins qui sont pas fiables. Hein. Alors dans ce cas-là, on va rejeter ton témoignage. On va pas accepter ta preuve. Parce que le fait d'avoir ces témoins-là, c'est comme si tu n'en avais pas en réalité, puisqu'ils ne sont pas des témoins fiables. Donc, dans ce cas-là, le juge, il va se tourner vers l'accusé. Et si l'accusé reconnaît, il reconnaît ce qu'il a fait, ou qu'il a fait un tort ou un mal, alors dans ce cas-là, on va juger contre lui par rapport à ce qu'il a reconnu lui-même. Il a avoué, hein. Mais s'il nie, il dit non, j'ai jamais fait ça, alors ça, il dit par exemple non, je n'ai pas l'argent, par exemple, si on l'accuse d'avoir pris de l'argent, alors on lui demande, puisqu'il n'y a pas de témoin, de jurer, faire qu'est-ce qu'on appelle al-yamin, hein, il lève sa main et il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, et il nie ce au sujet de quoi il est accusé, hein, il nie cette accusation-là. Et dans ce cas-là, étant donné, oui. Yani, c'est pas nécessaire qu'il lève la main, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-yamin, la main. Al-yamin, ça veut dire la droite, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Donc c'est dans ce sens-là, hein. Donc, quand on dit en arabe, wal-yamin ala man ankar, ça c'est dans le hadith, al-bayinatu ala al-mudda'i. Celui qui accuse, il doit ramener al-bayina, il ramène la preuve. C'est les témoins. واليمين على من أنكر. Celui après qui a été accusé et qu'on n'a pas ramené de témoin contre lui, maintenant lui il dit ça, il fait اليمين, il fait son serment, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que il n'a pas fait ce de quoi on l'accuse. فمعه الأصل والبراءة. Pourquoi? Parce que lui il se tient sur l'origine. L'origine c'est qu'il est innocent. Tu vois? À la base, quelqu'un il est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Al-Asnu, al-Bara'a. Faktafa minhu bil-yamin. Donc il se base sur. On va prendre comme étant suffisant le fait qu'il a fait son serment. Et du moment qu'il a juré. Hein, et du moment qu'il a juré, à partir de ce moment-là, il est innocent. Et là, la cause contre lui est. C'est fini, c'est réglé. Bien entendu, s'il a menti, s'il a juré alors que c'est pas vrai, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va l'attraper. Hein. Il va le prendre pour son mensonge. Et il y a un hadith aussi qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim justement à ce sujet-là, qui est dans le même sens. C'est un hadith qui est rapporté selon Salama, radiallahu anha. Elle dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, sami'a jalaba. جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça veut dire quoi ce hadith? Il dit, Salama, elle dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu des gens qui se disputaient devant la porte de sa maison. Alors il est sorti vers eux et il leur a dit, je suis un homme comme vous, je suis un être humain comme vous. Pourquoi? Parce que quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il juge entre deux personnes, il juge entre ces deux personnes selon ce qu'il entend d'eux, ce que les personnes leur disent. s'il les jugeait selon la révélation divine, selon une révélation que Allah lui donne à ce moment-là par rapport à cette situation-là, il n'aurait pas besoin de les écouter pour savoir qui a dit vrai, qui ne dit pas vrai. Il se baserait uniquement sur la révélation et il dirait « toi t'es coupable ». Allah il m'a donné la révélation, ça y est, je sais que t'es coupable, c'est toi qui as pris telle telle chose, et lui il est innocent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne aux sahaba, il enseigne aux gens la façon de juger et comment établir la justice. Et qu'on se base sur l'épreuve et sur qu'est-ce qui est apparent, pas sur le cœur ou qu'est-ce qui est caché à l'intérieur, comme dans le cas où il jugeait selon des gens par rapport à ce que Allah lui a révélé de ce qui était caché. Donc il dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Et lorsque des gens ont un conflit et qu'ils viennent me parler, hein, peut-être que certains d'entre vous sont plus éloquents et s'expriment mieux que d'autres. Alors, je vais croire qu'il dit vrai et je vais juger en sa faveur. Hein. Alors, s'il y a un cas dans lequel j'ai donné à quelqu'un le droit d'un autre musulman, alors c'est comme si c'était un morceau du feu de l'enfer qu'il prenait. Alors, qu'il le prenne ou qu'il le laisse. C'est-à-dire que deux personnes qui viennent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un conflit. Il y en a un qui dit, lui, il m'a pris quelque chose, il m'a pris mon argent. Et celui qui est par exemple celui qui est accusé, il y en a un des deux par exemple qui s'exprime mieux que l'autre. Hein? Alors il va dire, oui, messager d'Allah, ya Rasulullah, il va dire, moi, c'est mon argent, je l'avais chez moi et tout, lui il est rentré, il a pris et tout. Et l'autre, il s'exprime pas bien. Il ne sait pas comment clarifier bien la situation. Alors, quand le professeur lui demande d'expliquer, de répondre à l'autre, il n'arrive pas à lui expliquer ou à le clarifier bien comme il faut. Alors, le professeur il voit que c'est lui qui a rien, il lui donne la chose qu'il a, il a dit bon, ok, il lui donne à celui-là. Alors qu'en réalité, ça appartenait à l'autre. Mais si jamais j'ai donné à l'un d'entre vous deux le droit d'un autre musulman, alors si la personne le prend, alors qu'il sait que c'est pas à lui, il sait que c'est à l'autre, c'est comme s'il a pris un morceau de l'enfer avec lui, un morceau de feu de l'enfer avec lui. Alors qu'il le prenne ou qu'il le laisse. Vous savez, s'il le garde, il va être châtié pour ça. Et ça nous fait réfléchir par rapport à n'importe quelle situation qui peut arriver aujourd'hui. Si par exemple, aujourd'hui, on a un problème entre deux personnes et que tu t'en vas devant un juge et que le juge il dit ok d'accord, il juge en ta faveur, surtout dans des pays comme ici, on n'est pas dans un pays musulman et les lois sont pas des lois islamiques, et toi tu veux ton droit, tu veux avoir ton droit, tu as recours à cette justice là, pas parce que tu crois en ce système ou en cette justice, mais parce que tu veux ton droit. Tu vas là-bas et il donne à l'autre musulman ton droit à toi. Lui, s'il craint Allah et qu'on lui donne quelque chose alors que ça t'appartient, s'il craint Allah, même si on lui a donné légalement, le juge il a jugé en sa faveur, quand il sort là de la cour, il doit dire ça t'appartient, c'est à toi. J'ai pas le droit de le prendre, même si le juge me l'a donné. Ça veut dire que même si on a jugé de quelque chose, hein, devant la loi, et que quelqu'un, il sait au fond de lui-même que c'est pas vrai, qu'il craint Allah, qu'il donne à la personne à qui cette chose-là appartient réellement. C'est-à-dire que si quelqu'un a été déclaré innocent par le système, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement innocent. Il peut être coupable quand même. Mais ça, c'est le jugement de la dunya. Le juge, il peut se tromper. Hein? C'est ça que ça veut dire. Donc si toi tu sais que tu es coupable et que le système t'a innocenté, et tu sais que tu as en ta possession quelque chose qui appartient à ton frère, tu lui redonnes. Tu dois être honnête. Même si le juge t'a donné raison. Tu vois? Parce que tu as été habile, surtout avec aujourd'hui les systèmes ici si tu as beaucoup d'argent, tu peux avoir un meilleur avocat. Hein? Et il va te faire sortir de n'importe quelle difficulté ou situation difficile, avec toutes sortes de ruses, en se faufilant à travers les lois, en utilisant des différentes méthodes. Tandis que l'autre qui n'a pas beaucoup d'argent, il ne peut pas se payer un bon avocat, donc il n'a pas les mêmes facilités pour se sortir des difficultés. Hein? Ça c'est surtout dans un système policier. Tandis que dans un pays musulman, bon, quelqu'un qui ne connaît pas bien le système et tout, ne connaît pas bien la charia, ne connaît pas bien le Coran et la Sunna, les preuves de la charia, les choses qui sont importantes à connaître dans sa situation, ben, il risquerait de ne pas savoir comment se défendre comme il faut lorsqu'il est accusé ou des choses de ce genre. Donc il faut, hein, il faut que quelqu'un, yani, fasse attention. Tout ça c'est des règles qui concernent en fait les choses qui ont rapport avec le jugement. Et dans tous les livres de fiqh, et dans les livres de fiqh en général, mais là comme il y a des livres de hadith aussi qui rapportent les hadiths qui ont rapport avec l'ahkam, comme Amdatul Ahkam, ou les livres de fiqh en général, il y a toujours un chapitre qui s'appelle Al-Qadha, c'est souvent à la fin. Et dans ces livres-là, qu'on appelle, dans ces livres de fiqh, et dans le chapitre de Al-Qadha, vous allez retrouver des règles en ce qui concerne le comportement des juges, les règles que le juge doit respecter, les règles de justice et toutes ces choses-là sont expliquées dans ces livres-là. Et ça, Al-Qadha, c'est quelque chose qui est très important, yani, par rapport à l'islam, puisque on sait que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran et dans la Sunna de retourner à sa loi pour juger, hein, et de prendre sa révélation comme juge, Coran et la Sunna. Donc ça doit être bien compris, puisque yani, c'est important, c'est même une condition dans la foi de juger et d'accepter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si le jugement est contre toi, tu dois l'accepter dans l'islam. C'est pas seulement quand le jugement est en ta faveur, tu dis là je crois à la charia. Et quand le jugement est contre toi, tu dis ah non, je veux pas la charia. Non, c'est pas correct. Hein? Donc ça c'est important. Et donc on va terminer avec ça. On a fait le hadith 32 et 33 aujourd'hui. Donc inshallah, you're welcome. Thank you. On fera le hadith 34 demain, 34 inshallah, et ouais, on va terminer avec le hadith 34 demain inshallah. Donc on va s'arrêter ici inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.